c'est la crise économique, économique, économique. C'est la crise économique. Les entreprises vont toutes faire faillir, les ouvriers vont devoir chômer. L'économie de la Belgique est cuite et les sociétés vont devoir fermer. À la banque, on n'a presque plus d'intérêt. Moi qui aime l'argent, ça m'a trop dégoûté. Si elle continue la crise économique, on va se retrouver aussi beau qu'en Afrique. Économique, économique, c'est la crise, c'est la crise. Économique, économique, économique, c'est la crise, c'est la crise. Économique, économique, économique, c'est la crise, c'est la crise. Économique, économique, économique, c'est la crise, c'est la crise. Économique, ça va être l'invasion des chômeurs.